Bonjour, podcast des loulous, épisode numéro 4. Salut les loulous. Salut. Salut tout le monde. Ah, t'as raison Lou, on dit bonjour tout le monde. Vous croyez qu'on a multiplié nos fans par combien depuis hier? Par 2, par 3? 2, 3. 3 pour toi Lou. Ah, ouais. Tu as raison. Alors qu'est-ce qu'il y a de différent aujourd'hui pour l'épisode numéro 4? On est où? Dehors. On est dehors? Bien Ellie. Ouais, mais moi je n'ai pas goûté dehors. T'as pas encore goûté? Et vous êtes allé à l'école aujourd'hui? Non. Il n'y a toujours pas d'école? Ouais, à cause du coronavirus. Encore? Ouais. Par contre, comme il fait beau, on avait dit qu'on s'installerait dehors et c'est ce qu'on fait. C'est pour ça d'ailleurs qu'on entend des tondeuses, des tracteurs, hein, parce que les gens en profitent pour sortir un petit peu. Mais ouais. Moi, j'ai pas goûté dehors. Alors, qu'est-ce qu'on entend d'autre dehors quand les machines se taisent? Les oiseaux. Les oiseaux. Les oiseaux. Et comment on peut les reconnaître, les oiseaux? Alors Lou, comment on peut les reconnaître, les oiseaux? Comment tu reconnais un rouge-gorge, toi? Je sais pas. Tu sais pas? Et dis, comment tu reconnais un rouge-gorge? Parce que ils ont la gorge rouge. Ah, c'est pour ça qu'on les appelle rouge-gorge, alors. Oui. Et comment on peut les reconnaître autrement? Les oiseaux, ils font quoi, Lou? Ils chantent. Bien vu, Ellie. Bon, alors, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Moi, là, j'ai joué dehors. Ouais. J'ai regardé un peu la télé. Et ce matin, qu'est-ce que tu as fait? J'ai déjeuné en regardant Pas de Patrouille. C'est tout? Ouais. T'aurais pas travaillé un petit peu à la maison? L'école à la maison, ça te dit quelque chose? Oui. Ouais. Et toi, Lou, tu as fait l'école à la maison ce matin? Oui. Ouais, et qu'est-ce que tu as fait? Moi, j'ai vu des petits bols et des grands bols. C'était pour qui, les petits bols et les grands bols? Pour les ours. Pour les ours? Et vous avez fait du sport aujourd'hui aussi? Oui, un jeu de sport. Un jeu de sport? Moi j'étais vert et Lou elle était jaune. C'était un jeu de loi où il fallait faire du sport, c'est ça? Oui. Et alors c'était quoi comme sport? Par exemple, tu restes en pont 10 minutes... Il y a plein de choses dessus et c'était trop bien. C'était du gainage alors? Ouais. Des pompes aussi? T'as fait des pompes Lou? Oui. Ouais. T'aimes bien toi le sport? Et j'ai gagné toute la partie. Ah non, c'est moi qui ai gagné en premier. Je crois que vous avez gagné tous les deux parce que vous avez bien travaillé tous les deux. Oui, mais Lou à un moment elle est tombée sur la case des retournées au départ. Alors elle a fait deux fois le parcours, donc elle a fait deux fois plus de sport. Et pourquoi vous n'allez pas à la gym en ce moment? Parce qu'il y a le coronavirus. Encore? Bon, encore ce saleté. En attendant, on va profiter du jardin. On va faire goûter Lou parce qu'elle meurt d'envie de goûter. Et que du coup, elle ne travaille pas avec nous. Oui. Et puis on recommence demain pour l'épisode 5. On dit au revoir tout le monde. À demain. À demain. À demain.